Marc Emdan, archive.org. D'après Archive Carmel de Lisier.fr, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. Derniers échanges de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face avec le Père Roulant. Encore séminariste, il demande au Carmel de Lisieux une sœur spirituelle. Mère Marie de Gonzax choisit Thérèse, ordonnée prêtre le 28 juin 1896. Il passe au Carmel le 3 juillet suivant et s'entretient au parloir avec Thérèse. Il part en Chine le 2 août d'où il correspondra avec Thérèse et la prière du Carmel. Rappelé en France en 1909, il sera témoin aux deux procès de Thérèse. En août 1896, Thérèse peint une image pour le Père Roulant, un missionnaire de Missions étrangères de Paris que Marie de Gonzac lui a confié, en secret. Thérèse le rencontre en juillet, juste après son ordination, avant qu'il ne s'embarque pour la Chine. L'image est datée du 20 août 1896, et elle a vraisemblablement accompagné la lettre 193 à Roulant. Thérèse s'est bien cachée pour la faire, à l'insu des autres sœurs qui travaillaient à l'emploi de peinture, dont Mère Agnès. Cette dernière témoignera au procès apostolique. Lorsque le révérend Père Roulant, des Missions étrangères, lui fut donné pour frère spirituel par Mère Marie de Gonzague, elle reçut la défense expresse de me le dire. Elle fut chargée de peindre une image sur le parchemin, toujours à mon insu, pour ce frère spirituel, mais elle avait besoin pour cela de mes pinceaux, de mes couleurs, de mon brunissoir. Elle poussa la délicatesse de son obéissance jusqu'à se cacher à la bibliothèque pour peindre cette image, et, pour garder le secret commandé, elle s'astreignait à venir en mon absence chercher et rapporter les instruments dont elle avait besoin. PA Folio 480. Le Père Roulant rentre en France en juin 1909 pour diriger le séminaire des Missions étrangères, conservant toujours l'image avec lui. Elle sera rendue au Carmel de Lisieux après le 12 juin 1934, date de son entrée dans la vie, mais en signe de gratitude pour le travail des missionnaires, les Carmélites ont décidé de l'offrir aux Missions étrangères de Paris. Lettre 193 de Thérèse pour le Père Roulant du 30 juillet 1896. Mon frère, vous me permettez, n'est-ce pas, de ne plus vous donner un autre nom, puisque Jésus a daigné nous unir par les liens de l'apostolat? Il m'est bien doux de penser que de toute éternité notre Seigneur a formé cette union qui doit lui sauver des âmes et qu'il m'a créé pour être votre sœur. Hier, nous avons reçu vos lettres, c'est avec joie que notre bonne mère vous a introduit dans la clôture. Elle me permet de garder la photographie de mon frère. C'est un privilège, tout spécial. Une carmélite n'a pas même les portraits de ses parents les plus proches, mais notre mère sait bien que le vôtre, loin de me rappeler le monde et les affections de la terre, élèvera mon âme dans des régions plus hautes, la fera s'oublier pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Ainsi, mon frère, pendant que je traverserai la mer en votre compagnie, vous resterez près de moi, bien caché dans notre pauvre cellule. Tout ce qui m'entoure me rappelle votre souvenir. J'ai fixé la carte du Sud-Chêne sur le mur de l'emploi où je travaille, et l'image que vous m'avez donnée repose toujours sur mon cœur dans le livre des Évangiles qui ne me quitte jamais. En la plaçant au hasard, voici sur quel passage elle est tombée. Celui qui aura tout quitté pour me suivre recevra le centuple en ce monde et la vie éternelle au siècle à venir. Ces paroles de Jésus se sont déjà réalisées pour vous puisque vous me dites « Je pars heureux ». Je comprends que cette joie doit être toute spirituelle. Il est impossible de quitter son Père, sa mère et sa patrie, sans éprouver tous les déchirements de la séparation. Ô mon frère, je souffre avec vous je offre votre grand sacrifice et je supplie Jésus de répandre ses abondantes consolations sur vos chers parents, en attendant l'union céleste où nous les verrons se réjouir de votre gloire qui, séchant à jamais leurs larmes, les comblera de joie pendant la bienheureuse éternité. Ce soir pendant mon oraison j'ai médité des passages d'Isaïe qui m'ont paru si bien appropriés à vous que je ne puis m'empêcher de vous les copier. Prenez un lieu plus spacieux pour dresser vos tentes, vous vous étendrez à droite et à gauche, votre postérité aura les nations pour héritage, elle habitera les villes désertes. Levez les yeux, et regardez autour de vous. Tous ceux que vous voyez assemblés viennent vers vous, vos fils viendront de loin et vos filles viendront vous trouver de tous côtés. Alors vous verrez cette multiplication extraordinaire, votre cœur étonné se dilatera lorsque la multitude des rivages de la mer et tout ce qu'il y a de grand parmi les nations sera venu vers vous. Mais, ce pas-là le centuple promis, et ne pouvez-vous pas vous écrier à votre tour? L'Esprit du Seigneur s'est reposé sur moi, il m'a rempli de son onction. Il m'a envoyé pour annoncer sa parole, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour rendre la liberté à ceux qui sont dans les chaînes et consoler ceux qui pleurent. Je me réjouirai dans le Seigneur, parce qu'il m'a revêtu des vêtements du salut et paré des ornements de la justice. Comme la terre fait germer par moi sa justice et sa gloire au milieu des nations. Mon peuple sera un peuple de justes, ils seront les rejetons que j'ai plantés. J'irai dans les îles les plus reculées, vers ceux qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur. J'annoncerai sa gloire aux nations et je les offrirai comme un présent à mon Dieu. Si je voulais copier tous les passages qui m'ont le plus touché, il me faudrait trop de temps. Je termine, mais avant j'ai encore une demande à vous faire. Lorsque vous aurez un instant de libre, je voudrais bien que vous m'écriviez les principales dates de votre vie, je pourrais ainsi m'unir particulièrement à vous pour remercier le bon Dieu des grâces qu'il vous a faites. Adieu, mon frère. La distance ne pourra jamais séparer nos âmes. La mort même rendra notre union plus intime. Si je vais bientôt dans le ciel, je demanderai à Jésus la permission d'aller vous visiter au Sud-Chêne et nous continuerons ensemble notre apostolat. En attendant, je vous serai toujours unis par la prière et je demande à notre Seigneur de ne jamais me laisser jouir lorsque vous souffrirez. Je voudrais même que mon frère ait toujours les consolations et moi les épreuves. C'est peut-être égoïste, mais non, puisque ma seule arme est l'amour et la souffrance et que votre glaive est celui de la parole et des travaux apostoliques. Encore une fois, adieu, mon frère, daignez bénir celle que Jésus vous a donnée pour sœur, Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, religieuse carmélite indigne. Du Père Roulant à Thérèse. Couifou le 24 février 1897. Ma sœur, je ne vous écris pas longuement, car je suis sur le point de monter à Tchoukine, je ne réponds pas même à votre longue lettre qui me fait beaucoup de bien. Je veux seulement vous envoyer des reliques d'un futur martyr, j'en ai laissé à mes parents le jour où je quittais ma famille, je leur en ai envoyé de Shanghai. Pourquoi n'en enverrais-je pas aussi à ma sœur? En ce moment nous ne sommes pas en danger imminent de mourir, mais d'un jour à l'autre, nous pouvons recevoir des coups de couteau. Nous ne serions pas martyrs dans la force du terme, mais en dirigeant bien notre intention. En disant par exemple, « Mon Dieu, c'est pour votre amour que nous sommes venus ici. » Agréez le sacrifice de notre vie et convertissez des âmes, n'est-ce pas que nous serions assez martyrs pour aller au ciel? Et quel est donc le malheur qui nous menace? Voici, la famine est à son comble, À 150 lis d'ici, les brigands ont brûlé un village. Ailleurs, un jeune homme passant devant une maison est saisi, étranglé et cuit dans la marmite. On a offert de ce mets à la personne qui nous a raconté la chose et a vu les deux jambes de la victime. Ici, c'est une femme que l'on attaque pour la voler, armés chacun d'un couteau. Deux hommes lui ordonnent de quitter ses vêtements. La femme le fait malgré elle mais ne perd pas la carte. Au moment propice, elle saisit les couteaux et en frappe les voleurs. Elle vient raconter le tout au mandarin qui lui donne une récompense. Là, des brigands sont cachés dans la montagne et égorgent les soldats envoyés pour les disperser. Un enfant vient apporter une lettre, à 50 lis, 5 lieues, d'ici un grand nombre de païens et de chrétiens se cachent pêle-mêle dans un antre de la montagne, pour éviter les brigands qui les poursuivent. Parmi ces chrétiens sont deux religieuses qui envoient l'enfant demander au père ce qu'elles doivent faire. Il serait imprudent de laisser ces vierges avec les païens si corrompus et elles sont appelées à Kouifou. Les villes que je vais rencontrer en montant sont en révolution. Bref, vol, crimes sont à l'ordre du jour, et la famine menace de plus en plus. Si la première récolte, dans 2 mois, vient à manquer, qu'arrivera-t-il? Or la sécheresse a fait périr les sarrasins. C'est pour faire venir la pluie que le mandarin vient de lancer un édit, défense de manger de la viande. Il croit rendre ainsi les dieux propices. Comme si ce diable avait les clés du grand réservoir céleste. Un père me disait avant-hier, c'est possible que je passe l'arme à gauche, il serait bon que je fisse mon testament. Enfin, nous sommes à la disposition du bon Dieu. Si les brigands m'assassinent, si je ne suis pas digne d'entrer immédiatement au ciel, vous me tirerez du purgatoire et j'irai vous attendre au paradis. J'ai déjà fait du ministère. Une petite fille de la sainte enfance, âgée de 1 an, vient de mourir. Le père chargé de Kouifou m'envoie bénir le petit cadavre. Je pars en chaise. En arrivant, je trouve la petite fille couchée sur un banc. À côté d'elle, on mange, on fume, on se chauffe comme si rien n'était. Les enfants s'amusent comme à l'habitude. La maîtresse de maison me fait asseoir, m'invite à fumer, m'apporte le thé, puis des mets chinois. Je me mets à l'œuvre près du cadavre. Sur ces entrefaites arrive le cercueil. Il est composé de quelques mauvaises planches mal ajustées à l'aide de chevilles en bois. Ce cercueil coûte 200 sapèques, 20 sous. On y place l'enfant. Alors je me revêt du surplis, de l'étole. Je prends le bonnet chinois et je donne la bénédiction. Je vous avoue que j'étais content de le faire. Il me semblait voir cette petite âme venir me sourire et me promettre de prier pour moi et les miens. Naturellement, lorsque je parle des miens, je parle aussi de ma sœur carmélite. Vous me dites, ma sœur, que vous offrez au bon Jésus mon amour avec le vôtre? Eh bien, à la Sainte Messe j'offre le vôtre avec le mien, après la Sainte Communion. Je suis certain que Jésus, en voyant cette offrande, me pardonnera le peu d'amour que moi j'ai pour lui. Au memento des morts, je pense à vos parents défunts. Une nouvelle que nous apprenons à l'instant. Le mandarin militaire de Kouifou se promène en ville et punit sur le champ les Chinois qu'il trouve en défaut. Il craint. Il a expédié ses affaires dans une province plus sûre. Le chrétien qui donne cette nouvelle au père qui monte avec moi pour visiter une chrétienté, ce chrétien ajoute « Père, ne partez pas, s'il nous arrive des histoires pendant votre absence, nous n'aurons personne pour nous défendre. » Le père les rassure « S'il y a des troubles ici, je reviendrai immédiatement. » Un vieux chrétien, et saint homme, a vu bien des crises. Il a vu l'inondation à sa porte sans aucune crainte. parce qu'il avait fait dire une messe et qu'il était sûr du secours de Dieu. Aujourd'hui, il craint sérieusement. Qu'allons-nous devenir ? Encore une nouvelle, dans une autre partie du pays, nous apprenons qu'il y a des troubles. Bavard que je suis, je devais être court et voyé, j'aurais mieux fait de ne pas déchirer ma feuille. Surtout ne dites rien au dehors, je désire que ma famille ne sache pas le danger qui nous entoure. Je vous écrirai bientôt. Présentez mon affectueux et filial respect à notre bonne mère, Marie de Gonzague, à vous, ma sœur, ce souhait. Que le très doux Seigneur embrase votre cœur de son amour, Adolphe Roulan, missionnaire apostolique Sud-Suène orientale. De Thérèse au Père Roulan, 9 mai 1897. Mon frère, j'ai reçu avec joie ou plutôt avec émotion les reliques que vous avez bien voulu m'envoyer. Votre lettre est presque une lettre de revoir pour le ciel. Il me semblait en la lisant entendre le récit des épreuves de vos ancêtres dans l'apostolat. Sur cette terre où tout change, une seule chose reste stable, c'est la conduite du roi des cieux à l'égard de ses amis. Depuis qu'il a levé l'étendard de la croix, c'est à son ombre que tous doivent combattre et remporter la victoire. Toute vie de missionnaire est féconde en croix, disait Théophane Vénard, et encore, le vrai bonheur est de souffrir. Et pour vivre il nous faut mourir. Mon frère, les débuts de votre apostolat sont marqués du sceau de la croix, le Seigneur vous traite en privilégié. C'est bien plus par la persécution et par la souffrance que par de brillantes prédications qu'il veut affermir son règne dans les âmes. Vous dites, je suis encore un petit enfant qui ne sait pas parler. Le père Mazel, qui fut ordonné prêtre le même jour que vous, ne savait pas parler non plus, cependant il a déjà cueilli la palme. Oh, que les pensées divines sont au-dessus des nôtres! En apprenant la mort de ce jeune missionnaire que j'entendais nommer pour la première fois, je me suis senti porté à l'invoquer. Il me semblait le voir au ciel dans le glorieux cœur des martyrs. Je le sais, aux yeux des hommes son martyr ne porte pas ce nom, mais au regard du bon Dieu ce sacrifice sans gloire n'est pas moins fécond que ceux des premiers chrétiens qui confessèrent leur foi devant les tribunaux. La persécution a changé de forme, les apôtres du Christ n'ont pas changé de sentiment. Aussi leur divin maître ne saurait changer ses récompenses à moins que ce ne soit pour les augmenter en comparaison de la gloire qui leur est refusée ici-bas. Je ne comprends pas, mon frère, que vous paraissiez douter de votre entrée immédiate au ciel si les infidèles vous ôtaient la vie. Je sais qu'il faut être bien pur pour paraître devant le Dieu de toute sainteté, mais je sais aussi que le Seigneur est infiniment juste et c'est cette justice qui effraie tant d'âmes qui fait le sujet de ma joie et de ma confiance. Être juste, ce n'est pas seulement exercer la sévérité pour punir les coupables, c'est encore reconnaître les intentions droites et récompenser la vertu. J'espère autant de la justice du bon Dieu que de sa miséricorde. C'est parce qu'il est juste qu'il est compatissant et rempli de douceur, lent à punir et rempli de miséricorde. Car il connaît notre fragilité, il se souvient que nous ne sommes que poussière. Comme un père a de la tendresse pour ses enfants, ainsi le Seigneur a compassion de nous. Ô mon frère, en entendant ces belles et consolantes paroles du prophète roi, comment douter que le bon Dieu ne puisse ouvrir les portes de son royaume à ses enfants qui l'ont aimé jusqu'à tout sacrifier pour lui, qui non seulement ont quitté leur famille et leur patrie pour le faire connaître et aimer, mais encore désirent donner leur vie pour celui qu'ils aiment? Jésus avait bien raison de dire qu'il n'y a pas de plus grand amour que celui-là. Comment donc se laisserait-il vaincre en générosité? Comment purifierait-il dans les flammes du purgatoire des âmes consumées des feux de l'amour divin? Il est vrai que nulle vie humaine n'est exempte de faute, Seule la Vierge Immaculée se présente absolument pure devant la Majesté divine. Quelle joie de penser que cette Vierge est notre Mère. Puisqu'elle nous aime et qu'elle connaît notre faiblesse, qu'avons-nous à craindre? Voici bien des phrases pour exprimer ma pensée, ou plutôt pour ne pas arriver à le faire. Je voulais simplement dire qu'il me semble que tous les missionnaires sont martyrs par le désir et la volonté, et que par conséquent pas un ne devrait aller en purgatoire. S'ils restent dans leur âme au moment de paraître devant Dieu quelques traces de la faiblesse humaine, la Sainte Vierge leur obtient la grâce de faire un acte d'amour parfait et puis leur donne la palme et la couronne qu'ils ont si bien méritées. Voilà, mon frère, ce que je pense de la justice du bon Dieu. Ma voix est toute de confiance et d'amour. Je ne comprends pas les âmes qui ont peur d'un si tendre ami. Parfois lorsque je lis certains traités spirituels où la perfection est montrée à travers mille entraves, environnée d'une foule d'illusions, mon pauvre esprit se fatigue bien vite. Je ferme le savant livre qui me casse la tête et me dessèche le cœur et je prends l'Écriture sainte. Alors tout me semble lumineux, une seule parole découvre à mon âme des horizons infinis, la perfection me semble facile. Je vois qu'il suffit de reconnaître son néant et de s'abandonner comme un enfant dans les bras du bon Dieu. Laissant aux grandes âmes, aux grands esprits les beaux livres que je ne puis comprendre, encore moins mettre en pratique, je me réjouis d'être petite puisque les enfants seuls et ceux qui leur ressemblent seront admis au banquet céleste. Je suis bien heureuse qu'il y ait plusieurs demeures dans le royaume de Dieu, car s'il n'y avait que celles dont la description et le chemin me semblent incompréhensibles, je ne pourrais y entrer. Je voudrais bien cependant ne pas être trop éloignée de votre demeure, en considération de vos mérites. J'espère que le bon Dieu me fera la grâce de participer à votre gloire, de même que sur la terre la sœur d'un conquérant, serait-elle dépourvue des dons de la nature, participe malgré sa pauvreté aux honneurs rendus à son frère. Le premier acte de votre ministère en Chine m'a semblé ravissant. La petite âme dont vous avez béni la dépouille mortelle devait en effet vous sourire et vous promettre sa protection ainsi que vôtre. Combien je vous remercie de me compter parmi eux. Je suis aussi profondément touché et reconnaissant du souvenir que vous avez à la Sainte Messe pour mes parents chéris. J'espère qu'ils sont maintenant en possession du ciel vers lequel tendaient toutes leurs actions et leurs désirs. Cela ne m'empêche pas de prier pour eux, car il me semble que les âmes bienheureuses reçoivent une grande gloire des prières qui sont faites à leur intention et dont elles peuvent disposer pour d'autres âmes souffrantes. Si, comme je le crois, mon père et ma mère sont au ciel, ils doivent regarder et bénir le frère que Jésus m'a donné. Ils avaient tant désiré un fils missionnaire. On m'a raconté qu'avant ma naissance, mes parents espéraient que leur vœu allait enfin se réaliser. S'ils avaient pu pénétrer le voile de l'avenir, ils auraient vu que c'était en effet par moi que leur désir serait accompli. Puisqu'un missionnaire est devenu mon frère, il est aussi leur fils, et dans leur prière ils ne peuvent séparer le frère de son indigne sœur. Vous priez, mon frère, pour mes parents qui sont au ciel. Moi je prie souvent pour les vôtres qui sont encore sur la terre. C'est pour moi une bien douce obligation et je vous promets d'être toujours fidèle à la remplir, même si je quitte l'exil et plus encore peut-être puisque je connaîtrai mieux les grâces qui leur seront nécessaires. Et puis, lorsque leur course ici-bas sera finie, je viendrai les chercher en votre nom et les introduirai au ciel. Qu'il sera douce la vie de famille dont nous jouirons pendant toute l'éternité. En attendant cette bienheureuse éternité, qui dans peu de temps s'ouvrira pour nous, puisque la vie n'est qu'un jour, travaillons ensemble au salut des âmes. Moi je puis faire bien peu de choses, ou plutôt absolument rien si j'étais seul. Ce qui me console c'est de penser qu'à vos côtés je puis servir à quelque chose. En effet, le zéro par lui-même n'a pas de valeur. mais placé près de l'unité il devient puissant, pourvu toutefois qu'il se mette du bon côté, après et non pas avant. C'est bien là que Jésus m'a placé et j'espère y rester toujours, en vous suivant de loin, par la prière et le sacrifice. Si j'écoutais mon cœur, je ne terminerais pas ma lettre aujourd'hui, mais la fin du silence va sonner. Il faut que je porte ma lettre à notre bonne mère qui l'attend. Je vous prie donc, mon frère, de bien vouloir envoyer votre bénédiction au petit zéro que le bon Dieu a placé près de vous, Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. Le 29 avril, Monsieur Roulant envoyait une nouvelle lettre à sa sœur Thérèse pour lui raconter les derniers événements. Après 2 mois de voyage à travers la Chine, il était enfin arrivé dans sa mission à Chongqing et avait fait connaissance avec son évêque, Monseigneur Chouvelon. Il avait été ensuite envoyé dans le district de Haopaochang, dirigé par son confrère François Fleury, pour y faire l'apprentissage de la langue. Avec lui, il apprenait aussi son travail de missionnaire, visitant et soignant les malades, instruisant les enfants, administrant les sacrements. Archives des missions étrangères Paris. Du Père Roulant à Thérèse, le 29 avril 1897. Ma sœur, me voilà petit bébé ne sachant pas parler, apprenant la langue dans une famille chrétienne. Mon voyage a été heureux, un seul accident qui aurait pu devenir tragique. Un matin, j'étais en chaise portée par 3 hommes. Cette chaise est fixée à 2 bâtons et les hommes sont placés aux extrémités des bâtons. J'étais donc assis dans ma chaise, ayant à droite, à gauche des rizières pleines d'eau et de boue. La route avait 75 cm de large. Tout à coup, une corde se brise, et porteur, chaise et portée sont sur le flanc. Si j'étais tombé à droite, je prenais un bon bain. Heureusement, je suis tombé à gauche et j'en ai été quitte pour la peur. Un peu plus loin, nous rencontrons, étendu sur le chemin, le cadavre d'un homme mort de misère. Les Chinois aiment beaucoup penser à la mort. Aussi ils passent près de ce cadavre sans être surpris le moins du monde. Au Haochang a une chrétienté de 500 âmes, l'oratoire est dans la campagne et tout autour sont les propriétés des chrétiens, une vraie paroisse de France. Le jour de Pâques j'étais seul, le père passait la fête à 6 lieues plus loin. Les chrétiens ont été sages. Nombreux ils sont venus le matin en apportant des pétards, car ici pas de fête sans vacarme, alors je leur ai promis une bénédiction du Saint-Sacrement. Aussitôt après ma messe, tous, hommes et femmes se sont enfuis comme des voleurs. J'en ai demandé la cause. Pendant le carême ils n'avaient pas mangé de viande et ils avaient hâte d'y goûter. Ont-ils commis un péché de gourmandise? Bien sûr que non. Après mon dîner, ils reviennent tous pour me saluer et assister au salut, après lequel ils viennent me chercher dans ma chambre. Avant que de partir, ils veulent recevoir la bénédiction du Père. Je vais au pied de l'autel et fais sur les hommes puis sur les femmes un grand signe de croix. Voilà une belle journée, n'est-ce pas, mes sœurs? Même au fond de la Chine, le missionnaire a de grandes consolations. 8 jours après, je prenais avec le père Fleury le chemin qui me conduisait chez les Louis, famille où je dois apprendre la langue. Que de belles choses j'aurais à vous dire sur cette famille. J'y ai trouvé ces bonnes traditions qui jadis vigeaient. Être fort et vigoureux, en notre belle France. Hier soir nous comptions 22 hommes et 20 femmes, les enfants ne sont pas compris dans ce nombre, habitant sous le même toit. Il y a un chef de famille à qui tous, frères et enfants et petits-enfants, obéissent comme un seul homme. Chacun a son travail et jamais de dispute. Matin, midi et soir, prière en commun, Le soir chapelet. Au signal donné tous accourent, et chantent dans leur langue, les louanges du bon Dieu. Près d'eux se trouve une famille païenne qui avait une vieille morte le dimanche de Quasimodo. Cette vieille voulait mourir chrétienne mais la famille s'opposait à la réalisation de son désir, et surveillait les louis lorsque ceux-ci venaient voir la malade. Que font ces derniers? Ils invitent à dîner la famille païenne et lorsque tous sont arrivés une louis court chez la malade, lui enseigne les principales vérités de notre sainte religion, la baptise et revient au galop. Les païens ne se sont aperçus de rien. Avant de mourir la vieille a dit aux siens qu'elle voulait être enterrée comme les chrétiens. On n'a pas tenu compte de ses dernières volontés. Tam-tam, flûte, pétard ont fait toute la nuit un vacarme infernal. Les malheureux ne savaient pas que leur vieille mère était au ciel ou en voie d'y aller. Dans ma famille, il y a trois vierges. Deux portent le nom de Thérèse. Je leur dis, maintenant j'écris à ma sœur cadette qui s'appelle comme vous. Mais, disent-elles, le père nous a dit qu'il était seul. Je tourne la difficulté en disant, je ne puis m'expliquer, je ne connais pas votre langue. Vous priez à mes intentions. Comme je suis actuellement dans le district de Haut-Pao-Tchang, j'ai offert vos prières au bon Dieu pour obtenir la conversion des infidèles de ce pays. Or, ma sœur, voici une bonne nouvelle qui nous arrive. 200 païens au moins viennent de reconnaître notre Dieu pour leur Dieu et ils demandent à être instruits des vérités de notre sainte religion. Qui sait? Ce sont peut-être les prières de ma sœur qui ont attiré la grâce de Dieu sur ce district. J'ai commencé mon ministère en portant le bon Dieu à des mourants. J'étais heureux de voyager avec Jésus au milieu des païens qui ne se doutaient pas que j'avais un trésor sur mon cœur. Comme il est bon ce Jésus de se donner à tous, même aux déshérités de la fortune. Il reste dans une maison où je respire à peine. Il se donne à des malades que par prudence je dois toucher avec précaution. Que de misère dans cette Chine! Quelle est grande la miséricorde de mon Dieu! Adieu, ma sœur, union de prière, union de sacrifice, plus tard union de gloire au ciel, Adolphe Roulant, enfant de Marie, missionnaire apostolique. De Thérèse au Père Roulant le 14 juillet 1897. Mon frère, vous me dites dans votre dernière lettre, qui m'a fait grand plaisir, je suis un bébé qui apprend à parler. Eh bien moi, depuis 5 ou 6 semaines, je suis aussi un bébé, car je ne vis que de « Lolo », mais bientôt, je vais m'asseoir au banquet céleste, je vais me désaltérer des eaux de la vie éternelle. Quand vous recevrez cette lettre sans doute j'aurai quitté la terre. Le Seigneur, dans son infinie miséricorde, m'aura ouvert son royaume et je pourrai puiser dans ses trésors pour les prodiguer aux âmes qui me sont chères. Croyez, mon frère, que votre petite sœur tiendra ses promesses, et qu'avec bonheur son âme, délivrée du poids de l'enveloppe mortelle, volera vers les lointaines régions que vous évangélisez. Ah mon frère, je le sens, je vous serai bien plus utile au ciel que sur la terre et c'est avec bonheur que je viens vous annoncer ma prochaine entrée dans cette bienheureuse cité, sûr que vous partagerez ma joie et remercierez le Seigneur de me donner les moyens de vous aider plus efficacement dans vos œuvres apostoliques. Je compte bien ne pas rester inactive au ciel, mon désir est de travailler encore pour l'Église et les âmes. Je le demande au bon Dieu et je suis certaine qu'il m'exaucera. Les anges ne sont-ils pas continuellement occupés de nous sans jamais cesser de voir la face divine, de se perdre dans l'océan sans rivage de l'amour? Pourquoi Jésus ne me permettrait-il pas de les imiter? Mon frère, vous voyez que si je quitte déjà le champ de bataille, ce n'est pas avec le désir égoïste de me reposer, La pensée de la béatitude éternelle fait à peine tressaillir mon cœur. Depuis longtemps la souffrance est devenue mon ciel ici-bas et j'ai vraiment du mal à concevoir comment je pourrais m'acclimater dans un pays où la joie règne sans aucun mélange de tristesse. Il faudra que Jésus transforme mon âme et lui donne la capacité de jouir, autrement je ne pourrai supporter les délices éternels. Ce qui m'attire vers la patrie des cieux, c'est l'appel du Seigneur. C'est l'espoir de l'aimer enfin comme je l'ai tant désiré et la pensée que je pourrai le faire aimer d'une multitude d'âmes qui le béniront éternellement. Mon frère, vous n'aurez pas le temps de m'envoyer vos commissions pour le ciel, mais je les devine et puis vous n'aurez qu'à me les dire tout bas, je vous entendrai et porterai fidèlement vos messages au Seigneur, à notre Mère Immaculée, aux anges, aux saints que vous aimez. Je demanderai pour vous la palme du martyr et je serai près de vous, soutenant votre main afin qu'elle cueille sans effort cette palme glorieuse, et puis, avec allégresse, nous volerons ensemble dans la patrie céleste, environnés de toutes les âmes qui seront votre conquête. Au revoir, mon frère, priez beaucoup pour votre sœur, priez pour notre mère, dont le cœur sensible et maternel a bien du mal à consentir à mon départ. Je compte sur vous pour la consoler, je suis pour l'éternité votre petite sœur Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, religieuse carmélite indigne. Du Père Roland à Mère Marie de Gonzague, au Pao Chang, le 13 octobre 1897. Avant veille de la fête de Sainte Thérèse, le Père Roland vient de recevoir la lettre d'adieu de Thérèse, accompagnée d'une lettre de Mère Marie de Gonzague du 19 juillet, non retrouvée. La malade est alors au plus mal. Plus loin, le missionnaire va parler de la messe offerte le 2 octobre. À cette date, Thérèse est exposée au cœur sur sa couche funèbre. L'inhumation n'ayant lieu que le 4 octobre. Ma bonne mère, j'attendais à chaque instant des nouvelles. Elles sont là. Ma sœur a quitté la terre depuis longtemps. Déjà elle est allée au ciel. Louez le Dieu, qu'elle est maintenant sur la terre. Je ne la connaissais que depuis peu de temps. Mais les quelques lettres que vous avez bien voulu lui permettre de m'écrire m'ont fait admirer sa belle âme. Ces lettres me faisaient du bien, elles me faisaient aimer le bon Dieu et les âmes. L'amour de Dieu était le but de ses actions, et je tâchais d'imiter son exemple. Le missionnaire a des moments pénibles. Je les aurai comme les autres. Ces difficultés ne me faisaient pas peur parce qu'au Carmel une ange priait pour moi. J'espérais travailler avec succès au salut des âmes, parce qu'au Carmel j'avais une coopératrice. Je faisais de beaux plans, m'appuyant toujours sur les mérites de ma sœur. Je ne désespère pas malgré tout. Notre conversation est dans les cieux, me disait sœur Thérèse. Aujourd'hui ces paroles sont complètement réalisées. Ma sœur est au ciel et de là où j'espère qu'elle continuera de s'entretenir avec mon ange gardien, et de m'aider dans l'œuvre de l'apostolat. Dans la station où j'apprends la langue, il y a quelques vierges. J'avais parlé à ces vierges de ma sœur malade. Je viens de leur dire que ma sœur est morte. Et comme elles étaient étonnées de ne me voir pas triste, ma sœur était vierge comme vous. Elle aimait beaucoup le bon Dieu, elle était heureuse de mourir pour aimer le bon Dieu au ciel. Ces jeunes filles ont compris. N'est-ce pas, ma mère, que nous avons raison de nous réjouir du bonheur, vous de votre fille, moi de ma sœur? Ou souffrir ou mourir, disait Sainte Thérèse d'Avila. Ma sœur a souffert par amour, et mort d'amour. Je demande au Seigneur Jésus de mourir de la même mort. Vous ne vous affligerez pas, n'est-ce pas, Ma bonne mère, ce sera interprété fidèlement, j'en suis certain, le désir de celle que nous venons de perdre. Vous avez dit le fiat, le bon Dieu l'a accepté, le Seigneur aime le don qu'on lui fait d'un cœur gai. Ma sœur veillera sur moi. De mon côté, je continuerai de prier pour elle. Je ne me rappelle pas avoir demandé autre chose à Dieu pour elle que de l'embraser du divin amour. Pour lui obéir encore, je ne demanderai à Dieu qu'une chose, qu'il lui permette de travailler encore au salut des âmes. Tous les jours, je prierai pour vous, ma mère, au Saint-Sacrifice lorsque j'arrive au mémento des vivants. Je pense que ma sœur n'est plus sur la terre, alors je demande à Dieu pour vous ce que je demandais pour elle. Le 2 octobre, j'offrai le Saint-Sacrifice aux intentions de son ange gardien et du mien. Je ne pensais pas qu'elle était là elle-même pour recueillir le fruit du Saint-Sacrifice. Le jour de la fête de Sainte Thérèse, d'Avila, je prierai tout spécialement pour le Carmel de Lisieux. Dans ma dernière lettre, j'envoyais à ma sœur la liste des agrégés à la confrérie du Mont Carmel. J'ai probablement fait une erreur dans la seconde partie de la liste. Voici les vrais noms. De Couifou, Marie Bou, inscrite le 26 août 1896, Anne Bou, le 2 février 1897. Monseigneur ne m'a pas encore assigné de poste. J'attends l'appel de jour en jour. Le dimanche du Saint-Rosaire, j'ai prêché sur l'envie. Les chrétiens m'ont très bien compris, mais je n'ai pas reçu les compliments, probablement parce que je ne les ai pas ménagés. Dans le district où j'apprends la langue, il y a un gros mouvement de conversion. Près de 200 païens vont adorer le même jour. Le missionnaire qui visite le district a confiance en l'avenir. Deo gratias. La gloire de Dieu y gagne. La bonne mère est invoquée dans un bourg où l'an dernier, le jour de la Sainte Thérèse, il n'y avait pas un seul chrétien. Note. L'adoration était, dans plusieurs missions de Chine, une cérémonie solennelle qui marquait l'entrée en catéchuménat. Elle comportait une renonciation aux idoles et un acte public signifiant la volonté d'embrasser la religion catholique. Ma bonne mère, je vous quitte. Si vous répondez à ma lettre, vous me direz, j'espère, le bon Dieu doit bien m'aimer, parce que j'ai fait le sacrifice d'un cœur gai. Au revoir près de Jésus-Eucharistie. Et recevez mes sentiments de profond respect et de sincère reconnaissance, Adolphe Roulant, enfant de Marie, missionnaire apostolique. De Mère Marie de Gonzague au Père Roulant, 11 novembre 1897. Mon cher père et enfant, depuis 6 semaines je veux vous écrire et notre plume tombe. Je ne puis vous dire l'effet que votre chère lettre à notre ange envolé a produit sur mon âme. Ce cher trésor nous a quittés le 30 septembre dans un élan d'amour, après 3 mois de grande souffrance et plusieurs jours d'une douloureuse agonie. C'est du haut du ciel qu'elle vous suit et vous obtient bien des grâces. Elle ne vous quittait pas sur la terre, ses sacrifices, ses œuvres, ses souffrances, elle oubliait tout pour les âmes que vous évangélisez, comme maintenant elle intercède pour elle et pour son frère. Il semble par vos lignes que vous avez un peu l'intuition de son départ pour la patrie, la fin de vos pages. Au revoir, au ciel, m'en dit si long, n'irez-vous pas bientôt la retrouver, cher enfant? Le climat semble vous avoir fatigué et il me semble lire entre les lignes. Je vais bien, et pourtant je ne puis résister à une grande fatigue. Mon Seigneur va me rappeler près de lui. Note, le père Roland sera nommé en 1898 professeur au séminaire de Chapin-Pas, et rappelé en France en 1909 comme directeur au séminaire de la rue du Bac. Nomination qu'il redoutait en 1896. Comme je vois déjà avec bonheur que vous avez déjà une belle couronne d'âmes qui verront Dieu et jouiront du bonheur éternel. Que votre mission est belle, cher et pieux enfant, mon ange au ciel se réjouit fort de votre travail. Priez un peu pour nous, le vide que son absence nous fait est immense, vous savez les espérances que nous fondions sur cette âme. Le ciel nous l'a jalousée et la terre n'était pas digne de la posséder plus longtemps. Son désir du ciel a été exaucé. 3 mois sans se lever, la chère victime était devenue un squelette, surtout depuis le mois de juin où les crachements de sang furent abondants. Son sourire conservé jusqu'au dernier moment était ravissant, jamais une plainte. Et me disant le dernier jour, « Ma mère, la coupe est pleine, ah, je n'en peux plus. Mais si Jésus veut qu'elle déborde, je le veux aussi, me répondit-elle, et l'a souffert un vrai martyr avec le bonheur sur les traits, notre pieux et dévoué docteur n'en revenait pas. Enfin, cher fils, elle vous attend. Mais elle va vous obtenir des grâces de force pour gagner le port et avoir une bonne moisson à présenter au Sauveur. Sa vie n'était qu'amour et sacrifice, vous le verrez dans un recueil que nous allons faire de plusieurs pages qu'elle nous a laissées, écrites par obéissance, pour nous seuls, mais si mon Seigneur le permet. Nous en ferons une petite biographie à la place d'une circulaire ordinaire, usage de l'ordre, en retranchant, bien entendu, certains détails intimes pour sa vieille mère. Que Jésus, mon cher fils, conduise vos pas et vos œuvres et que son amour vous embrase de plus en plus, mais vive avec vous. Union de notre Séraphin, qui est à vous plus encore au ciel que sur la terre, votre vieille mère Marie de Gonzague. Procès de l'ordinaire de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Témoin numéro 9. Adolphe Roulan, M.P., Société des Missions étrangères de Paris. Son premier frère missionnaire, Sœur Thérèse l'avait reçu le 15 octobre 1895. En la fête de Sainte-Thérèse d'Avila, c'était Maurice Barthélemy Bellière, 1874-1907, futur père blanc. Mais elle devait en avoir un second, Adolphe Jean-Louis Eugène Roulan, qui devint le 9e témoin du procès ordinaire informatif. Le père Roulan naquit à Cahagnol, Calvados, le 13 octobre 1870. Entré aux missions étrangères de Paris et se préparant au sacerdoce, il sentit le besoin du secours des prières d'une moniale cloîtrée pour son futur apostolat. C'est par l'intermédiaire du père Norbert, des prémontrés de Mondet, qu'il prit contact dans ce but avec le Carmel de Lisieux. Mère Marie de Gonzague n'hésita pas alors à choisir Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est la meilleure entre les bonnes, confia-t-elle au père Roulan avant son ordination sacerdotale, 28 juin 1896. Celui-ci rencontra Sœur Thérèse le 3 juillet à l'occasion de l'une de ses premières messes célébrées au Carmel. Sur la correspondance qu'ils échangèrent dans la suite, la discrétion fut gardée à l'égard de la communauté. Les nouvelles que l'on en communiquait, venaient, disait-on, du missionnaire de notre mère. Mère Marie de Gonzague témoigna d'une grande largeur de vue. Au cours des derniers mois de sa vie, Thérèse écrivit bien cette fois au père Roulan. De ce courrier, un billet a été perdu car, remis en signe de bénédiction à une petite enfant chinoise durant sa maladie, il ne lui fut pas retiré lors de sa sépulture. La prieure fit parvenir au père une photographie de Thérèse au dos de laquelle celle-ci avait marqué les grandes dates de sa vie et le missionnaire envoya son portrait que Mère Marie de Gonzague autorisa Thérèse à garder en cellule. Portrait accompagné d'une feuille sur laquelle le père avait écrit, lui aussi, pour sa sœur, la liste des événements les plus marquants de son existence. Thérèse qui portait son évangile sur son cœur y avait glissé l'image souvenir de l'ordination sacerdotale de son frère, sur laquelle il avait écrit, ici-bas, travaillons ensemble, au ciel nous partagerons la récompense. De même le père Roulant portait avec lui une image peinte par sœur Thérèse, qui représentait un cœur laissant tomber des gouttes de sang sur Suchuan, mission du père en Chine, avec cette invocation de la main de la Sainte, 0 divin de Jésus, arrosez notre mission, faites germer les élus, 20 août 1896. Chaque jour le père nomme Thérèse à la messe et récite la prière qu'elle lui avait demandé de faire, mon Dieu, embrasez ma sœur de votre amour, prière qui, sur la demande de la Sainte, devint celle-ci après sa mort, mon Dieu. Permettez à ma sœur de vous faire encore aimer, confer folio 532 recto. Dans une lettre que le père Roulant lui envoya de Shanghai entre le 24 et le 26 août 1896, sœur Thérèse fut frappée de lire ceci parmi les événements les plus importants de la vie de son frère spirituel. Vocation sauvée par Notre-Dame de la Délivrande. 8 septembre 1890. C'était justement le jour de sa profession au Carmel, alors que disant au monde un éternel adieu, son unique but était de sauver les âmes, surtout les âmes d'apôtres. À Jésus, son divin époux, elle demanda particulièrement une âme apostolique, ne pouvant être prêtre, elle voulait qu'à sa place un prêtre reçût les grâces du Seigneur, qu'il ait les mêmes aspirations, les mêmes désirs qu'elle. Comme elle l'écrivait au père le 1er novembre 1896, lettre 178, page 348. Rappelons que la poésie prière à Notre-Dame des Victoires, reine des Vierges, des apôtres et des martyrs avait été écrite le 16 juillet 1896, à l'intention du père Roulant. En 1909, après quelques années de vie missionnaire en Chine, le père fut rappelé à Paris comme directeur au séminaire de la rue du Bac, remplissant aussi en 1913 les fonctions d'économe. Sans se mettre pour autant personnellement en avant, il fut un apôtre toujours plus convaincu de Thérèse de Lisieux et de son acte d'offrande à l'amour miséricordieux. En 1922, après un an passé à Rome, il fut chargé du noviciat des frères à Dormance, Marne, où il mourut le 12 juin 1934, VT 3 à 1953. Il déposa le 19 janvier 1911, au cours de la 49e session, folio 528 à 540 de notre copie publique. Marc Emdan, archive.org, d'après archive-carmel-lisieux.fr, licence créative commune pas d'usage commercial, partage à l'identique. Session 49 le 19 janvier 1911, à 2h de l'après-midi. Le témoin répond correctement à la première demande. Réponse à la seconde demande. Je m'appelle Adolphe Jean-Louis Eugène Roulant, né à Cahagnoles, diocèse de Bayeux, le 13 octobre 1870, de Eugène Roulant et de Marie le Dresseur. Je suis prêtre, membre de la Société des Missions étrangères de Paris. J'ai été missionnaire au Sud Chuan de l'année 1896 à l'année 1909. Depuis juin 1909 je réside à notre maison de Paris, rue du Bac, 128, où j'exerce les fonctions de procureur de la Société des Missions étrangères. Le témoin répond correctement de la troisième à la sixième demande inclusivement. Réponse à la septième demande. Je fais ma déposition mue par le seul sentiment de la gloire de Dieu et l'amour de la vérité. Réponse à la huitième demande. Voici dans quelles circonstances je connus la servante de Dieu. En 1896, Au moment de recevoir l'ordination sacerdotale et de partir en mission, j'eus la pensée de solliciter les prières spéciales d'une religieuse carmélite qui fut ainsi spirituellement associée à mon apostolat. Je m'adressai pour cela à la révérende mère prieure du Carmel de Lisieux, qui désigna à cet effet sœur Thérèse de l'Enfant Jésus. Je ne la connaissais pas auparavant. Avant de partir aux missions, je vins à Lisieux en juillet 1896. Je célébrai la Sainte Messe au Carmel et j'eus, pendant une demi-journée, plusieurs entretiens avec la servante de Dieu. Nous entretînmes dès lors une correspondance de lettres qui se poursuivit jusqu'à la mort de la servante de Dieu, c'est-à-dire pendant un an. Je reçus d'elle dans cet intervalle une huitaine de lettres. J'ai utilisé aussi pour ma déposition ce que j'ai entendu de la part de divers missionnaires de notre société. Je ne me suis pas servi pour préparer mon témoignage de son histoire écrite par elle-même, j'utilise exclusivement mes informations personnelles. Réponse à la neuvième demande. Je désire sans doute le succès de cette cause, parce que la connaissance que j'ai acquise des dispositions de la servante de Dieu m'a inspiré pour elle une profonde dévotion, et parce que cette béatification lui permettra de mieux réaliser ce qu'elle s'est proposé de faire, à savoir de faire du bien et sauver des âmes. Réponse de la dixième à la dix-neuvième demande. Je ne sais rien de particulier sur le curriculum vitae de la servante de Dieu. Réponse à la vingtième et à la vingt-et-unième demande. J'ai eu le bonheur de connaître sœur Thérèse de l'Enfant Jésus par nos relations épistolaires du 23 juin 1896 à sa mort, et j'estime qu'il se dégage de ses lettres un tel parfum de vertu que, pour témoigner en sa faveur, je ne puis mieux faire que de les citer. Défiance de soi, confiance en Dieu. Dans sa lettre du 23 juin 1896, elle m'écrivait « Je suis assuré que mon céleste époux suppléera à mes faibles mérites, sur lesquels je ne m'appuie aucunement, et qu'il exaucera les désirs de mon âme en fécondant votre apostolat. » Lettre 189 « Que vous seriez à plaindre, m'écrit-elle le 1er novembre 1896 si Jésus ne soutenait les bras de votre Moïse. » Lettre 201. Et à la date du 9 mai 1897, je sais qu'il faut être bien pur pour paraître devant le Dieu de toute sainteté, mais je sais aussi que le Seigneur est infiniment juste, et c'est cette justice qui effraie tant d'âmes, qui fait le sujet de ma joie et de ma confiance. Être juste, ce n'est pas seulement exercer sa sévérité pour punir les coupables, c'est encore reconnaître les intentions droites et récompenser la vertu. J'espère autant de la justice du bon Dieu que de sa miséricorde, c'est parce qu'il est juste qu'il est compatissant et rempli de douceur, lent à punir et abondant de miséricorde, car il connaît notre fragilité, il se souvient que nous ne sommes que poussière, fragilité, comme un père a de la tendresse pour ses enfants, ainsi le Seigneur a compassion de nous. Psaume 102, 8, 14, 13. Voilà ce que je pense de la justice du bon Dieu, ma voix est toute de confiance et d'amour, je ne comprends pas les âmes qui ont peur d'un si tendre ami. Lettre 226. Fidélité à la voix de Dieu, et les de ces âmes fortes à qui rien ne coûte pour obéir à la voix de Dieu, voici, du reste, comment elle me raconte son entrée au Carmel. Le Seigneur avait daigné lui demander son cœur dès le berceau. Si je puis m'exprimer de la sorte, lettre 201 du 1er novembre 1896, la nuit de Noël 1886, nuit de ma conversion, dit-elle, Jésus daigna à me faire sortir des langes et des imperfections de l'enfance. Il me transforma de telle sorte que je ne me reconnaissais plus moi-même. Sans ce changement, j'aurais dû rester encore bien des années dans le monde. Sainte Thérèse disait à ses filles, « J'y ai le vœu que vous ne soyez femmes en rien, mais qu'en tout vous égaliez des hommes forts. » Sainte Thérèse n'aurait pas voulu me reconnaître pour son enfant, si le Seigneur ne m'avait revêtu de sa force divine, s'il ne m'avait lui-même armé pour la guerre. Je compatis sincèrement à sa peine, jeune fille dont je lui avais parlé, sachant par expérience combien il est amer de ne pouvoir répondre immédiatement à l'appel de Dieu. Je lui souhaite de n'être pas obligé comme moi d'aller jusqu'à Rome. Jésus a dit que le royaume des cieux souffre violence et que les violents seuls le ravissent. Il en a été de même pour moi du royaume du Carmel. Avant d'être la prisonnière de Jésus, il m'a fallu voyager bien loin pour ravir la prison que je préférais à tous les palais de la terre. Me parlant du Père supérieur qui refusait de la recevoir, elle m'écrit, sa conduite était prudente, et je ne doute pas qu'en m'éprouvant il n'accomplit la volonté du bon Dieu, qui voulait me faire conquérir la forteresse du Carmel à la pointe de l'épée. Lettre 201, repos en la volonté de Dieu. Cet acquiescement à la volonté de Dieu est si grand chez elle que c'est là que se trouve pour elle le seul repos, la seule voie de perfection. Que la volonté de Dieu soit faite, m'écrit-elle le 1er novembre 1896. C'est là seulement que se trouve le repos. En dehors de cette aimable volonté, nous ne ferions rien ni pour Jésus, ni pour les âmes. Lettre 201, et le 19 mars 1897, je ne m'inquiète pas de l'avenir, je suis sûr que le bon Dieu fera sa volonté, c'est la seule grâce que je désire. Lettre 221. Enfin le 9 mai 1897, parfois, lorsque je lis certains traités spirituels où la perfection est montrée à travers mille entraves, environnée d'une foule d'illusions, mon pauvre petit esprit se fatigue bien vite. Je ferme le savant livre qui me casse la tête et me dessèche le cœur et je prends l'écriture sainte. Alors tout me semble lumineux, une seule parole découvre à mon âme des horizons infinis. La perfection me semble facile, je vois qu'il suffit de reconnaître son néant et de s'abandonner comme un enfant dans les bras du bon Dieu. Lettre 226. Amour de Dieu et des âmes, Dieu et les âmes, ce sont les grandes affections de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus. Me parlant d'une faveur reçue par elle, elle ajoute, combien Jésus se plaît à combler les désirs des âmes qui n'aiment que lui seul. Lettre 189. L'amour des âmes surtout revient constamment sous sa plume, cet amour qui lui rendit si agréable son union apostolique. Je serai vraiment heureuse, m'écrit-elle le 23 juin 1896, de travailler avec vous au salut des âmes. C'est dans ce but que je me suis faite carmélite, ne pouvant être missionnaire d'action, j'ai voulu l'être par l'amour et la pénitence. À votre première messe, continue-t-elle, demandez pour moi à Jésus de m'embraser du feu de son amour, afin que je puisse ensuite aider à l'allumer dans les cœurs. Lettre 189. Et elle-même, avant mon départ pour les missions, me déterminait cette demande à faire pour elle chaque matin au Saint-Sacrifice. Mon Dieu, permettez à Sœur Thérèse de vous faire aimer des âmes. Lettre 189 et 221. Dans sa lettre du 1er novembre 1896, elle revient encore sur ce but de son entrée au Carmel. Le 8 septembre 1890, une petite carmélite devenait l'épouse du roi des cieux, disant au monde un éternel adieu. Son unique but était de sauver les âmes, surtout les âmes d'apôtres. Lettre 201, à la date du 19 mars 1897, elle m'écrivait, j'espère bien que, si je quittais l'exil, vous n'oublierez pas votre promesse de prier pour moi. Je ne désire pas que vous demandiez au bon Dieu de me délivrer des flammes du purgatoire. Sainte Thérèse disait à ses filles lorsqu'elle voulait prier pour elle, que m'importe à moi de rester jusqu'à la fin du monde en purgatoire, si par mes prières je sauve une seule âme. Sainte Thérèse d'Avila, chemin de la perfection. Chat 3. Cette parole trouve écho dans mon cœur, je voudrais sauver des âmes et m'oublier pour elles. Je voudrais en sauver même après ma mort. Aussi, je serais heureuse que vous disiez alors, au lieu de ma petite prière que vous faites et qui sera pour toujours réalisée, mon Dieu, permettez à ma sœur de vous faire encore aimer. Et le 14 juillet 1897, je vous serai bien plus utile au ciel que sur la terre. Vous remercierez le Seigneur de me donner les moyens de vous aider plus efficacement dans vos œuvres apostoliques. Je compte bien ne pas rester inactif au ciel, mon désir est de travailler encore pour l'Église et les âmes, je le demande au bon Dieu et je suis certaine qu'il m'exaucera. Les anges ne sont-ils pas continuellement occupés de nous, sans jamais cesser de voir la face divine, de se perdre dans l'océan sans rivage de l'amour? Pourquoi Jésus ne me permettrait-il pas de les imiter? Lettre 254. Dans cette même lettre, écrite peu de temps avant sa mort, apparaît combien pur et grand est chez elle cet amour de Dieu et des âmes, ce qui m'attire vers la patrie des cieux, dit-elle, c'est l'appel du Seigneur. C'est l'espoir de l'aimer enfin comme je l'ai tant désiré et la pensée que je pourrai le faire aimer d'une multitude d'âmes qui le béniront éternellement. Lettre 254. Amour de la souffrance sur cette terre où tout change, m'écrit-elle le 9 mai 1897, une seule chose reste stable, c'est la conduite du roi des cieux à l'égard de ses amis, depuis qu'il a levé l'étendard de la croix. C'est à son ombre que tous doivent combattre et remporter la victoire. Lettre 226. À cette conduite du roi des cieux, sœur Thérèse ne demandait qu'à se soumettre. Ces lettres sont encore le témoignage de son amour des souffrances et des épreuves, en même temps que de sa paix au milieu des tribulations. J'ai déjà cité cette application sublime, lettre du 19 mars 1897, qu'elle se fait de la parole de Sainte Thérèse, choisissant de rester en purgatoire jusqu'à la fin du monde pour sauver une seule âme. Voici d'autres passages où se révèle le même amour de la croix. Je voudrais même, m'écrit-elle le 30 juillet 1896, que mon frère ait toujours les consolations et moi les épreuves, c'est peut-être égoïste, mais non, puisque ma seule arme est l'amour et la souffrance. Lettre 193. Et le 19 mars 1897, je serai bien heureuse de travailler et de souffrir longtemps pour Jésus, aussi je lui demande de se contenter en moi. C'est-à-dire, de ne faire aucune attention à mes désirs, soit de l'aimer en souffrant, soit d'aller jouir de lui au ciel, lettre 221. Puis, le 14 juillet 1897, vous voyez que si je quitte déjà le champ de bataille, ce n'est pas avec le désir égoïste de me reposer, la pensée de la béatitude éternelle fait à peine tressaillir mon cœur. Depuis longtemps la souffrance est devenue mon ciel ici-bas et j'ai vraiment du mal à concevoir comment je pourrais m'acclimater dans un pays où la joie règne sans aucun mélange de tristesse. Il faudra que Jésus transforme mon âme et lui donne la capacité de jouir. Lettre 254. Confiance illimitée en Dieu, défiance profonde de soi-même, conformité et abandon total à la volonté divine, amour de Dieu et du salut des âmes, et pour atteindre ce but, acceptation de la souffrance perpétuelle, ne sont, ce point-là les traits d'une vertu héroïque et ai-je besoin de dire que la simplicité, l'humilité avec laquelle elle écrit, est pour moi, bien que je n'ai point vécu près d'elle, la garantie qu'elle était vraiment imprégnée de ses sentiments élevés et qu'elle les suivait dans toute sa conduite, réponse à la 22e demande. Je ne sais rien sur ce point. Réponse à la 23e demande. Lorsque la révérende Marie de Gonzague, prieure du Carmel de Lisieux, me désigna sœur Thérèse pour être associée spirituellement à mon apostolat, elle me dit, c'est la meilleure entre mes bonnes, ayant toujours été au loin en mission. Je n'ai pas eu l'occasion de connaître mieux ce qu'on pensait d'elle pendant sa vie. Réponse de la 24e à la 26e demande. Je ne sais rien de spécial sur ces points. Réponse à la 27e demande. Dans le temps même que j'étais en mission, et peu de temps après la mort de la servante de Dieu, je constatais qu'elle était invoquée par plusieurs de mes confrères, comme une puissante auxiliatrice de leurs travaux. Depuis, ayant eu à voyager, soit dans ma mission, soit tant d'autres pays que j'ai traversés pour revenir en France, j'ai eu le bonheur de voir en beaucoup d'endroits Sœur Thérèse connue, aimée et invoquée. Les missionnaires se mettent sous sa protection. Monsieur de Renin, ayant à fonder à Chungking, sur Xuan, une communauté de vierges chinoises, s'est mis lui et son œuvre sous la protection de Sœur Thérèse, et sa communauté fait de grands progrès. Monsieur Arla, missionnaire à Shantou, Chine, se rappelle avec joie son pèlerinage au tombeau de Sœur Thérèse, sur lequel, m'écrit-il, il a placé quelques vers faits par lui, vers dans lesquels il dit son admiration pour les vertus de Sœur Thérèse, et lui demande sa protection. Messieurs Olan et Guénan, de Hong Kong, ont les mêmes sentiments. Monsieur Ferlet, de Siam, m'a parlé de vive voix du bien que lui a fait Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus. Monsieur Vial, de Yunnan, m'envoyant une lettre à faire parvenir au Carmel de Lisieux, me dit, maintenant sa pensée ne me quitte plus, et je veux absolument aimer Jésus comme elle, Sœur Thérèse, dit-il, l'a sauvée, il lui demande, de le transformer. Monsieur Nassois, missionnaire aux Indes, m'écrit, personnellement, j'ai pour Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus une dévotion profonde, car par elle Dieu m'a fait de grandes grâces. J'ai mis tout en œuvre pour la faire connaître dans l'Inde. Je n'ai qu'un désir, c'est de travailler dans la mesure du possible à sa glorification. Il me promet d'autres renseignements qui ne me sont pas encore arrivés. J'ajoute que nos jeunes missionnaires partants connaissent la vie de Sœur Thérèse, qu'ils l'aiment et l'invoquent, et plusieurs viennent à son tombeau avant de partir en mission, pour lui recommander leur ministère. La distance qui sépare la France de nos missions est grande et nos confrères sont tardivement au courant de ce procès, c'est ce qui explique pourquoi je n'ai que peu de témoignages, mais ce peu suffit à prouver que Sœur Thérèse atteint son but. Sauver et sanctifier des âmes d'apôtres. Son influence bienfaisante ne rayonne pas seulement en Normandie et en France, ce dont je reçois souvent des témoignages à Paris, mais elle s'étend dans les pays les plus lointains. En France, j'ai eu l'occasion de recevoir plusieurs confidences qui m'ont démontré que l'invocation de Sœur Thérèse est particulièrement efficace pour développer dans les communautés une très grande ferveur. J'estime que ce renom de sainteté est indépendant de la grande diffusion donnée en ces derniers temps aux diverses publications, brochures, images, etc., concernant Sœur Thérèse. Réponse à la 28e demande. J'ai entendu formuler quelques remarques sur l'opportunité des très nombreuses publications relatives à Sœur Thérèse, mais je n'ai jamais entendu aucune critique qui intéresse la réputation de sainteté de la servante de Dieu. Réponse à la 29e demande. Les faveurs que j'ai obtenues par l'intercession de la servante de Dieu me sont une nouvelle preuve qu'elle pratiquait les vertus à un haut degré, et que le Seigneur, qui aimait à l'éprouver, la récompensait largement, même dès cette vie, en lui accordant ses demandes. Sans vouloir insister sur les faveurs d'ordre spirituel que je suis persuadé d'avoir obtenues par son intercession, je me plais à reconnaître que je lui suis bien un peu redevable de ma vocation de missionnaire. Le 8 septembre 1890 m'écrit, et l'an 1896 le 1er novembre, votre vocation de missionnaire était sauvée par Marie la reine des apôtres et des martyrs, en ce même jour. Une petite carmélite devenait l'épouse du roi des cieux. Son unique but était de sauver les âmes, surtout les âmes d'apôtres. À Jésus, son époux divin, elle demanda particulièrement une âme apostolique. Ne pouvant être prêtre, elle voulait qu'à sa place un prêtre reçût les grâces du Seigneur, qu'il eût les mêmes aspirations, les mêmes désirs qu'elle. Vous connaissez l'indigne carmélite qui fit cette prière. Ne pensez-vous pas comme moi que notre union, confirmée le jour de votre ordination sacerdotale, commença le 8 septembre, je croyais ne rencontrer qu'au ciel l'apôtre que j'avais demandé à Jésus, ce bien-aimé sauveur, levant un peu le voile mystérieux qui cache les secrets de l'éternité, a daigné me donner dès l'exil la consolation de connaître le frère de mon âme, de travailler avec lui au salut des pauvres infidèles. Lettre 201, voici une faveur temporelle que je lui attribue également. En mission, pendant une persécution, près de 200 femmes et vierges s'étaient réfugiées chez moi. Or les bandits, profitant de mon absence, se préparaient à fondre sur ma résidence. Au moment de se mettre en marche, ils font une dernière supplication à leur dieu, en faisant exploser des pétards en leur honneur. Une de ces pièces met le feu à leur poudre, la détonation fait sauter la bonzerie, tue ou brûle bon nombre de bandits, le reste des valides s'échappe de tous côtés. L'alarme est donnée, mes chrétiennes sont sauvées avant d'avoir connu le danger. Je n'ai pas douté un instant de la protection de Sœur Thérèse qui m'avait promis de veiller sur moi et sur mes chrétiens, et à qui je recommandais chaque jour les affaires de ma mission. Ces faits se passaient vers 1904. Réponse à la 30e demande. Je ne crois pas avoir rien oublié. Au sujet des articles, le témoin dit ne savoir que ce qu'il a déjà déposé en répondant aux demandes précédentes. Session 50, le 20 janvier 1911, à 9h. Est ainsi terminé l'interrogatoire de ce témoin. Lecture des actes est donnée. Le témoin n'y apporte aucune modification et signe comme suit. Ita pro verita deposui, rato mabo et confirmo. Signatum, AD. Roulant. Témoin numéro 25 au procès apostolique de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Adolphe Roulant, M.P. Le dernier témoin qui déposa au procès apostolique de Bailly-Lisieux est le célèbre et sympathique frère spirituel de Thérèse, Adolphe Jean Roulant, des missions étrangères de Paris. L'histoire d'une âme a fait connaître les relations spirituelles de Thérèse avec ce jeune missionnaire, son second frère, à qui sont également adressées 6 lettres de l'épistolaire. La nouvelle édition du centenaire de la correspondance générale a récemment porté à la connaissance du public les lettres du Père Roulant à Mère Marie de Gonzague et à Thérèse, dans lesquelles se révèle son âme ardente et souriante. Née à Cagnoles, Calvados, le 13 octobre 1870, il entra très jeune aux missions étrangères de Paris et fut ordonné prêtre le 28 juin 1896. Peu auparavant, Mère Marie de Gonzague lui avait donné comme sœur, Thérèse, la meilleure entre les bonnes, du Carmel de Lisieux. Le 3 juillet suivant, le Père Roulant célébrait une de ses premières messes au Carmel et s'y entretint avec Thérèse. Après quelques années en Chine, 1896 à 1909, il rentra en France pour y travailler au service de son institut. Il mourut à Dormans, Marne, le 12 juin 1934. Son témoignage répète des données et des faits déjà déposés au procès de 1912. Il se réfère avant tout à sa correspondance avec Thérèse, et ajoute quelques brèves informations sur la diffusion en Orient de la dévotion envers la Sainte Carmélite parmi ses confrères des missions étrangères et les Trappitines. Le témoin a déposé dans la sacristie de la cathédrale de Bayeux le 14 avril 1917, au cours de la session 71, et son témoignage se trouve aux pages 13 841 391 de notre copie publique. Marc Emdan, archive.org. D'après archive-carmel-lisieux.fr, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. Session 71, le 12 avril 1917, à 9h. Le témoin répond correctement à la première demande. Réponse à la deuxième demande. Je m'appelle Adolphe Jean Roulant, né à Cagnoles, le 13 octobre 1870, de Eugène Roulant, maréchal ferrant, et de Marie le Dresseur. Je suis prêtre de la Société des Missions étrangères de Paris et actuellement directeur au séminaire des Missions étrangères à Paris. Le témoin répond correctement de la troisième à la cinquième demande. Réponse à la sixième demande. Je n'ai d'autre souci que de dire la vérité. Réponse à la septième demande. Je n'ai pas connu la servante de Dieu ni sa famille avant 1896. À cette époque, je venais de recevoir le sacerdoce, et j'allais partir en mission. Le révérend Père Norbert, prémontré de Mondet, diocèse de Bayeux, mon compatriote, intervint sur ma demande au Carmel de Lisieux, pour obtenir de la prieure qu'une religieuse du monastère fût désignée pour prier spécialement pour moi et ma mission. Sœur Thérèse, que je ne connaissais pas jusque-là, fut désignée. J'allais dire ma messe au Carmel au commencement de juillet. Ce jour, j'entretins Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, au parloir, avant et après ma messe. Parti en mission, au Suchuan, je restai en relation épistolaire avec la servante de Dieu pendant cette dernière année de sa vie. Je reçus d'elle environ 6 lettres. Réponse à la 8e demande. Oui, j'ai une grande dévotion à la servante de Dieu et je désire sa béatification, premièrement parce que je crois qu'elle a eu les vertus d'une sainte, deuxièmement parce que je crois que sa béatification sera utile à la gloire de Dieu et au salut de beaucoup d'âmes. Réponse de la 9e à la 13e demande inclusivement. Étant donné ce que je viens de dire sur les circonstances de mes relations avec la servante de Dieu, il est évident que je ne sais rien personnellement sur les détails de ces questions. Réponse de la 14e à la 46e demande inclusivement. Ne connaissant la servante de Dieu que par 2 entretiens au parloir et l'échange d'une demi-douzaine de lettres, je ne pourrai rien dire de précis sur le détail de chaque vertu, mais je puis dire, en répondant à votre question, ce que j'ai observé à l'occasion de ces quelques relations. La correspondance de Sœur Thérèse, que j'ai versée au procès des écrits, est toujours très édifiante, même dans les passages qui montrent sa gaieté. Elle révèle chez elle un amour tout confiant en Dieu. Je suis porté à croire que sa voix d'enfant spirituel se ramène à un abandon complet à la volonté de Dieu qu'elle aime pour lui-même. Cet amour de Dieu est le mobile qui lui fait accepter de s'unir aux œuvres d'un missionnaire. Elle veut que cette union ne soit connue que de Dieu seul. Comme je lui avais promis de prier aussi pour elle, elle me donne dans une lettre la formule que je dois employer pour cela, « Demandez-lui de m'embraser du feu de son amour, afin de le faire aimer des âmes », lettre 189. Et peu de temps avant sa mort elle m'écrit, « Je ne désire pas que vous demandiez au bon Dieu de me délivrer du purgatoire ». Mais faites à Dieu cette prière, permettez à ma sœur de vous faire encore aimer, après sa mort, lettre 221. La volonté de Dieu est tout pour elle. Elle me dit, en dehors de cette aimable volonté, nous ne pourrions rien ni pour Jésus, ni pour les âmes, lettre 201. Elle m'avait parlé dans une lettre de sa conversion, je lui demandais l'explication de cette parole, et elle m'avoua que sa conversion signifiait une action intense de Dieu sur son intelligence et sur son cœur. LT 201, elle envisage la justice de Dieu d'un point de vue qui en fait un argument de plus pour exciter sa confiance. C'est parce qu'il est juste, dit-elle, qu'il est compatissant. Il connaît notre fragilité, et se souvient que nous ne sommes que poussière. Je ne comprends pas les âmes qui ont peur d'un si tendre ami. Lorsque je lis certains traités spirituels, où la perfection est montrée à travers 1000 entraves, mon pauvre petit esprit se fatigue bien vite, je ferme le savant livre qui me casse la tête et me dessèche le cœur. Je prends l'écriture sainte, et alors la perfection me semble facile. Je vois qu'il suffit de reconnaître son néant et de s'abandonner comme un enfant dans les bras du bon Dieu. Lettre 226. Réponse aux demandes 47e et 48e. Oui, je suis convaincu que Sœur Thérèse a pratiqué les vertus comme font les saints. Je vois dans sa vie une unité de direction assumée par la prééminence de l'abandon parfait par amour pur. Cette idée, elle l'a, pour ainsi dire, dès le berceau, puis elle se développe, se purifie, tantôt par une intervention spéciale de la Providence, comme en ce qu'elle appelle sa conversion, tantôt insensiblement par l'exercice même des vertus religieuses. Je vois dans ses lettres que vraiment elle ne voyait que Dieu et ne voulait que Dieu, par amour pur et absolument désintéressé. Tout à fait à la fin de sa vie elle m'écrit, « Je ne m'inquiète pas de l'avenir, je suis sûr que le bon Dieu fera sa volonté, c'est la seule grâce que je désire. Je lui demande de se contenter en moi, c'était à dire, de ne faire aucune attention à mes désirs, soit de l'aimer en souffrant, soit d'aller jouir de lui au ciel. C'est avec bonheur que je vous annonce ma prochaine entrée dans la bienheureuse cité. Ce qui m'attire dans la patrie des cieux, c'est l'espoir d'aimer enfin Dieu comme je l'ai tant désiré, et la pensée que je pourrai le faire aimer d'une multitude d'âmes qui le loueront éternellement, lettres 221 et 254. Sa prière, qu'elle me fait connaître dans ses lettres, indique que c'est pour accomplir parfaitement la volonté de Dieu qu'elle veut arriver au degré de gloire que Dieu lui a préparé, que je devienne martyr de votre amour, ô accent circonflexe mon Dieu. Prière numéro 6 écrite par Thérèse. C'est précisément parce qu'elle ne perd jamais de vue cet amour pur que sa vertu me semble héroïque. Beaucoup de prêtres et de religieux donnent à l'amour des souffrances la palme sur tout le reste, c'est une manière d'entendre la perfection, l'abandon et la confiance parfaite qui acceptent indifféremment la mort ou la vie en est une autre. Monseigneur Gay appelle cette voie le ciel des cieux et c'est, à son avis, le plus haut degré de la sainteté. Réponse aux demandes 49e et 50e. Je ne sais pas. Réponse à la 51e demande. On connaît ses écrits qui ont été publiés. Personnellement, j'ai reçu d'elle, comme je l'ai dit, un certain nombre de lettres, et c'est surtout par ces lettres que je la connais et que je la juge. Mais je n'ai pas la moindre hésitation à reconnaître dans ces lettres l'expression absolument vraie et certaine de l'état de son âme. La simplicité et le naturel de ces lettres en rendent la vérité évidente. J'ai lu attentivement ses autres écrits et je ne crois pas qu'il y ait rien dans sa doctrine qui soit en opposition avec la vérité catholique. Sa petite voix en particulier, si elle est bien comprise, ne porte pas du tout les âmes à l'oubli des combats et des luttes qu'exige la perfection. Elle n'exclut rien de ce qui crucifie la nature, mais elle a le secret de le faire aimer. L'amour qu'elle prêche n'est pas un amour inactif. J'ai d'ailleurs constaté par expérience que les âmes qui étudient ses écrits, y trouvent un stimulant à la générosité et à la ferveur pratique. Réponse de la 52e à la 55e demande inclusivement. J'étais en Chine, lors de ces événements. Réponse à la 56e demande. J'ai été prié sur le tombeau de la servante de Dieu, quand j'ai eu l'occasion de venir à Lisieux, c'est-à-dire, deux fois. Je sais aussi que mes confrères de la Société des Missions étrangères y viennent volontiers, par eux et par moi, même. Je sais que l'on trouve habituellement plusieurs personnes priant sur la tombe, et nous avons été frappés particulièrement du recueillement et de la confiance que témoignent ces pèlerins. Réponse à la 57e demande. Personnellement, j'ai des raisons de croire absolument à la sainteté de Sœur Thérèse et à la puissance de son intercession. Le 8 septembre 1890, j'avais des hésitations sur ma vocation et sur mon entrée au grand séminaire. Pendant que je priais à la chapelle de Notre-Dame de la Délivrande, je fus subitement et définitivement fixé. Or, je sus plus tard que ce même jour, 8 septembre 1890, qui était le jour de la profession de la servante de Dieu, elle avait demandé à notre Seigneur de lui donner une âme de prêtre, et elle-même me signala le lien de ces deux événements. J'attribue sans hésitation à son intercession un grand nombre de grâces spirituelles. Je puis témoigner que spécialement dans nos missions du Japon, de la Chine et des Indes, non seulement la confiance en la sainteté et le pouvoir d'intercession de Sœur Thérèse est très répandue, mais qu'elle exerce vraiment une influence très remarquable dans la conversion des âmes et leur avancement dans la vertu. Au Japon en particulier, beaucoup de religieuses trappistines disent qu'elles doivent leur vocation à l'influence de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, dont elles ont lu la vie. Je ne crois pas qu'on ait rien fait pour créer à Sœur Thérèse une réputation de sainteté et de miracle, ou pour cacher quoi que ce soit qui serait contraire à sa cause. Réponse à la 58e demande. Je ne connais aucune opposition faite à cette cause, bien au contraire, j'entends de tous côtés qu'on désire sa béatification. Réponse de la 59e à la 65e demande inclusivement.